C'est tout un art, l'exhaleur tout en or. Moi j'emporte l'étendard à 100 000 bornes de vantard. Ah ouais. Rien à foutre de l'argent, mon esprit a le dos large. De mes paroles à mes écrits, je vis dans la peau de l'art. C'est tout un art, y'a rien qui se passe dans les parages, toujours les mêmes zonards. Ne compare pas un mec d'honneur et une poignée de dollars. L'exhaleur, la fini qui brodait sur le dossard. J'ai, on n'est pas venu s'arracher le Oscar. Vas-y dis-moi combien de milliards sont pris pour des codes-barres. Entre les filles qui font le trottoir, les criminels notoires. J'partirai quand il faudra, ni trop tôt ni trop tard. Le savoir est une arme, je suis fidèle à mon art. Des maillons de la chaîne, aux politicards avec de gros cigares. Y'a trop d'ignards et trop de braves dans les corbillards. J'incarne les mômes bien plus que Marion Cotillard. J'apparais comme la clarté là où tout est trop bizarre. On est sous pression et ça ne se compte pas en décibars. Dérisoire, le monde se bombarde pour des territoires. Dans le couloir de la mort ou dans la course au pouvoir. Être débrouillard dans le brouillard ou broyer du noir. Plat de cadavre qui larmoie dans l'armoire. Envie de laisser ma marque avant de larguer les amarres. Les playoffs sur playground, je graverai les mémoires. Moi, j'ai jamais laissé place au désespoir. Et c'est pas le fruit du hasard que ma plume soit contradictoire. Avec ce mouvement funambule qui file sur le fil du rasoir. Se disent tous les bifetons, je vais bien finir par les voir. Puis j'hésiterai pas, je me barre. Squatter les îles Baléares, bas les pattes. Moi je représente tout ce mis à l'écart. Comment déclarer l'armistice ou même les familles se séparent, hein. Garde en tête qu'on arrive à rien sans y croire. 4100 histoires dans cette époque d'MC si transitoire. C'est tout un art, l'exhaleur tout en or. Moi j'emporte l'étendard à 100 000 bornes de vantard. Rien à foutre de l'argent, mon esprit a le dos large. De mes paroles à mes écrits, je vis dans la peau de l'art. C'est tout un art, loi de l'imaginaire. Mon rap est marginal, sans revenu salarial. Discours martial, j'instaure plein sous ma carcasse. J'ai le gros arsenal quand la liberté s'apparente au milieu carcéral. Se tenir à carreau, maintenir son karma. Soutenir son fardeau, contenir ses larmes. Le stylo dans la main, j'ai le son qui scie les barreaux. Le mic au fond du larynx, ceux qui récitent la bonne parole. La faute est humaine mais qui te pardonne. La barre est mise très haute pour faire honneur à la daronne. Les potes de la Haute-Garonne et les soirées près du Faro. Avec mon frère de Paris, du sud au nord de l'Hexagone. Se mettre au parfum, semer l'arôme. Mes écrits recherchés comme Bonnie Parker et Clyde Barrow. 418 ou le dernier rempart des miens. Entre le carpe diem et l'esprit cartésien. Le mental de Spartiate, à la star de Don Caspal. Mon armure à pare-balles, l'atmosphère est palpable. Parle bien ou parle pas, destiné à cartonner autant que mes frères d'armes. Qu'on nous bénisse tout comme Baya Bakari, la petite Clara, Marie-Stéphanie, ma fine équipe, nous. On partage tout à l'heure où les temps sont arides. Les avant-gardistes, tous les savants de la rime. Mais ça les arrangerait que je connaisse la carence. Ou bien que je rentre dans le monde des apparences. Et jusqu'au dernier rang de la vie reste arrogante. L'effet boomerang ou l'arroseur s'arrosant. Rien à foutre de leur pite palmarès. Je maîtrise de l'alphabet, je m'accapare des 26 lettres. Rien à foutre de l'argent, mon esprit a le dos large. Dans ma cité ardente, j'ai plus d'une cartouche à mon art. C'est tout un art, l'exhaleur tout en or. Moi j'emporte l'étendard à 100 000 bornes de vantard. Rien à foutre de l'argent, mon esprit a le dos large. De mes paroles à mes écrits, je vis dans la peau de l'art. C'est tout un art, l'exhaleur tout en or. Moi j'emporte l'étendard à 100 000 bornes de vantard. Rien à foutre de l'argent, mon esprit a le dos large. De mes paroles à mes écrits, je vis dans la peau de l'art. C'est tout un art.